Punk No Dead, British Connection. Dans la télé, ils te charmisent comme une bête. Oh les psychiatres policiers viennent pour t'électrocuter. Tu peux crier, tu peux pleurer, il y a des murs pour t'écouter. Parler en français, je veux pas être oublié. Parler en français, ma force est rectifiée. Parler en français, ma tête a explosé. Parler en français, tout est l'électrocuté. Au pavillon des oubliés, ça sent la merde et le vomi. Un pauvre canot automisé, tape dans ses mains et dans sa piste. Un autre juste décollecté, prostré sans mot reste accroupi. Ici vous êtes un allergique, quartier des crimes thérapeutiques. Parlez en français. Alors messieurs les biscopies, qu'attendez-vous pour dénoncer? Vous qui voulez de l'exotisme, l'enfer est là sous notre nez. Parlez en français, je veux pas être oublié. Parlez en français, ma porte est rectifiée. Parlez en français, ma tête a explosé. Parlez en français, tout seul est électrocuté. Nier. Sous les coups des bottes ferrées, dans les fesses, plus pouvoir s'asseoir ni bouger. Les électrochocs font le reste. Si pour vous c'est pas de la torture, alors Pinochet est une fée. C'est vrai qu'ici y a des ordures qui finissent par dire des putains. Parlez en français, top secret médical. Parlez en français, je suis un animal. Parlez en français, électrochalibal. Parlez en français, la mort me sera brutale. Pas en Sibérie, c'est dans la banlieue de Paris qu'on applique la démocratie à grands coups de lobotomie. Non, ce n'est pas en Thaïlande, excusez-moi, j'ai envie de rendre. Pour te guérir, on te détruit, quelle pourriture la psychiatrie. Parlez en français, je veux pas être oublié. Parlez en français, je veux pas être enfermé. Parlez en français, je veux pas être oublié. Parlez en français, je veux pas être enfermé. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Tant qu'il y aura des prisons, les guides se battront. baston, baston, baston, baston, baston, baston. Veste brune et nazi rouge, j'suis enfant vomi, pas de société flétrie. Fils de! Fils de! Fils de! Fils de! Je suis né par le sang et je m'appelle Staline. Je suis né pour un temps et je m'appelle Adolf. Veste brune et paré rouge, veste rouge et chemise brune. J'suis enfant naturel d'un coup. J'étais cancéreuse, j'suis l'enfant rebelle et la loi est dangereuse. Fils de! Fils de! Fils de! Fils de! Je suis l'enfant violent dans ce putain d'Occident. J'suis l'enfant rebelle, apatride sans emblème. J'suis l'enfant de l'État et je me bats contre ça. J'suis l'enfant de l'État. Je me bats contre ça. Fils de! Fils de! Fils de! Fils de! Je viens de Nijmegen, de Nijmegen, je viens de Nijmegen, de Nijmegen, je viens de Nijmegen, de Nijmegen, je viens de Nijmegen, de Nijmegen, je viens de Nijmegen, de Nijmegen, je viens de Nijmegen, de Nijmegen, je viens de Nijmegen, de Nijmegen, je viens de Nijmegen, de Nijmegen. British Connection? Just rock! Just rock! Comme un amour, tu es tout.

enculés, avec leurs barbons de 4 mètres et leurs haches qui font des chèvres, leurs chaussures écrasées des plantes, dans les arbres des fruits ils dansent, à grands coups de tronçonneuse, ils atrophient la nature pieuse. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Mais il est arrivé qu'un jour, il n'y avait plus d'arbres, tout n'était que tristesse et désordre. Les bûcherons ont beaucoup souffert ce jour-là, il n'y avait plus rien à abattre. Dans un village perdu, près des marais noirs, les bûcherons sont entrés, avec leurs bottes aux pieds et le matériel usé. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Dans ce village perdu, il y avait un abattoir. Les bûcherons ont prêté leurs mains, leur force, leur courage pour abattre les bœufs, les veaux et les porcs, pour en faire de la viande. C'est ainsi que les bûcherons reprirent courage en tronçonnant les bêtes. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Dans ce village perdu, il n'y avait plus de bêtes pour faire de la viande. Les bûcherons ont beaucoup souffert ce jour-là. Ils sont partis vers les gens de ce village éloigné, avec leurs bottes aux pieds et le matériel usé. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Même pas les coups de sabre n'arrêteront leur marche. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Même pas les coups de sabre n'arrêteront leur marche. Les bûcherons sont entrés dans la chambre de ma mère, dans la chambre de mon frère. Ils hachèrent mon père jusqu'à l'eau, puis ils partirent vers une autre forêt. Et si un jour vous rencontrez un bûcheron, rappelez-vous qu'on veut massacrer mes enfants. Ils sont assoiffés de sang, qui cachent derrière leur barbe. Futur horrible carnage, futur horrible carnage, horrible carnage, horrible carnage. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Même pas les coups de sabre n'arrêteront leur marche. Même pas les coups de sabre n'arrêteront leur marche. Bûcheron, bûcheron, bûcheron, bûcheron, bûcheron, bûcheron, bûcheron. British Connection. Et voilà, British Connection. Nouvelle année, c'est terminé pour aujourd'hui, voilà. On a eu 30 minutes de Blondie, 30 minutes de Bachoum, 30 minutes de Placebo, là on vient de se terminer, 30 minutes de Berruré Noir. L'émission d'aujourd'hui sera disponible dès demain en podcast. Allez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour British Connection, votre émission rock. En attendant, ne l'oubliez pas, c'est l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Allez, salut. Even though I couldn't. your shame? No. Judge me. You have no right to call me a murderer. Heroes!